multitude ridée. Sous la joie de l'amant, encore tout essoufflé. Sous les rires francs, des regrets. Sous l'arrogance d'un rappeur préfabriqué. La marque déposée. Sous les côtes affichées d'un enfant du Niger sans rien à digérer. Sous la ceinture épuisée d'un New Yorkais au cholestérol affolé. Sous les treillis debout mêlés. Sous les saintes âmes, sous les seins des prostituées. Sous le hasard, ce qu'on est. Que l'on est sain de y adhère au val fourré. La marque déposée. La marque déposée. Marque déposée. La marque déposée.